BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418. On va parler de hockey mineur. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR Métal. On va parler avec le président David Lamontagne. Salut David! Salut, Danny. David, on fait le tour du hockey mineur. D'abord, les ligues maisons doivent être commencées, hein? Oui, les ligues ont pas mal tout commencé, même l'atome aussi. L'atome est la dernière, c'est la dernière catégorie qui commence. Elle commence en fin de semaine. Donc, toutes les catégories, les saisons sont commencées. Simple lettre, double lettre, tout est commencé. Les tournois s'en viennent. Nous autres, on a deux tournois en préparation. Oui, oui, oui. Du 11 au 17, là, on a le tournoi Bantam. Okay. Malgré qu'on n'a pas de catégorie Bantam 2B, vu qu'on n'a pas d'équipe cette année, ben, on a quand même 12 équipes inscrites au tournoi. C'est quand même bon. On avait quand même une petite inquiétude. On va savoir. Ça, c'est un des plus vieux tournois, celui-là. Fait qu'il faut. Oui. Ouais. C'est ça, du 11 au 17. Je sais qu'il y a 12 équipes. Le comité, ça s'en vient assez vite. Le comité est prêt, les horaires sont sortis. Ensuite, après. C'est la présidence d'honneur de David Doucette, je pense. Hein? C'est une corrigeuse, c'est ça, hein? Comment tu dis? C'est la présidence d'honneur de Dave Doucette de Transport Doucette. Oui. Ensuite, après ça, il y a le tournoi à Tompiwi. Tout de suite, après, la semaine d'après, donc nous autres, c'est sûr que ça fait deux tournois assez rapprochés. Mm. Puis, je pense que le tournoi à Tompiwi, on est aux alentours de 40 équipes. Fait que c'est quand même, depuis, je te dirais, là, il y a eu une grosse augmentation de l'inscription des équipes depuis, je te dirais, 5-6 ans. Oui, effectivement. Donc, le move a été fait avant les fêtes. Ça l'a rempli. Le centre de formation professionnelle, le tournoi, ça reste encore en février? Non, oui, ça reste toujours en février. C'est plus. Non, le centre de formation professionnelle, on a terminé l'année passée là, comme partenaire principal. OK, c'est qui? Ouais, y a-t-il un partenaire? On est présentement en discussion. Là. On n'a pas encore toujours pas trouvé le partenaire à long terme, là, mais on est en préparation là-dessus. Est-ce que c'est-tu parce que ça ne le tentait plus ou vous avez essayé des rapports? Ils ont quand même fait un bon bout de chemin avec nous autres. Là. Mm. Non, je pense que c'est juste peut-être qu'ils veulent se diriger vers un autre. D'autres secteurs, je ne sais pas, là. Mais c'est un peu ça. Ils nous ont averti que c'était leur dernière année l'année passée. OK. Y a-t-il autre chose à mentionner, peut-être, du côté des Castors, ça va bien, pas de défaite encore. On va en parler avec Robin. Les Castors, écoute, oui, c'est tout qu'un début de saison pour les Castors. Ouais. C'est en fin de semaine parfaite à Bécomo. En fin de semaine prochaine, je sais qu'ils ont deux matchs contre Sept-Îles. Toujours invaincu. Je pense que c'est 8 victoires, aucune défaite. Mm. C'est un des bons débuts de saison. Ouais. Fait que du côté Atom Pee-Wee maintenant. À Tompiwi, j'ai pas trop les résultats. Je sais que les dernières fins de semaine qui ont passé à du côté de cette île, ça avait été assez difficile. Mais c'est sûr qu'ils vont plus voir un peu leur calibre contre les équipes plus de la région. Là. Mm. Et, pour l'instant, je pense que c'est quand même 50-50. C'est un petit peu plus difficile, je pense, pour le Piwi. Mais c'est plus contre les équipes. Je sais que la Côte-Nord, c'est quand même assez fort comme équipe. Donc, OK. C'est sûr qu'on va plus le voir à long terme. Puis peut-être aussi même au tournoi à Tompiwi, oui, on va plus voir beaucoup d'équipes, des équipes d'extérieur aussi. Fait que, ouais, OK. On va pouvoir s'améliorer aux autres équipes. Donc, ça fait le tour pour cette semaine, peut-être? Y a-t-il d'autres choses à mentionner? Ça fait le tour. On pourra peut-être parler plus de hockey novice. Ouais. Et demi-glace, peut-être la semaine prochaine. Ça va-tu bien de ce côté-là? Ben, ça va, là, c'est pas commencé, là. Les équipes sont pas, on n'a pas commencé. Ça commence, à mi-novembre, donc dans les deux prochaines semaines, là, ça va être les premières parties. Je sais qu'il y a eu des parties de fête organisées pour évaluer les jeunes sur les demi-glaces, je pense à Robertval. Fait que c'est en préparation. Ça veut pas, c'est un ajustement. Ça va être aussi un ajustement pour le tournoi novice. Ça veut pas, ça va être sur demi-glace. Ça va être un autre. Même les horaires, c'est différent. Donc, c'est quand même. On pourra en parler plus, puis savoir un peu c'est quoi les règlements, c'est quoi les nouveaux, les nouveautés dans les prochaines semaines. OK. On s'en reparle la semaine prochaine de David. David Lamontagne, le président du hockey mineur. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR Metal.